moi. J'ai contourné la remorque, poussé à travers le bois. Aurais-je eu tort? Car la piste se resserre, le chemin se fait étroit. Et voilà que je me perds au fond des bois. Des traces de pas, des branches cassées, et puis la voix qui tout à coup s'efface. Plus de sentiers. Vers moi ne s'est tourné.